Chapitre 15. Par où l'on passe. Paulin Broquet, voyant l'étonnement du général et d'Ossip, crut bon de leur donner quelques explications. « Vous ne tenez pas beaucoup, je crois, général, à recevoir la visite du prince Grigoriski ?»« Non, non, pas du tout. »« Et à lui, pas plus qu'à tout autre, vous avez défendu votre porte ?»« Absolument. »« Cependant, le prince, malgré vous, entre ici. »« C'est exact. »« Bon, ça me suffit, » déclara le détective. Il se leva alors. « Général, permettez-moi de prendre congé. Je vous demanderai de faire lever pour moi la sévère consigne de me faciliter autant que possible l'accès de votre maison. Aussi, papa donner des ordres en conséquence. Merci. » Le général, en hésitant quelque peu, demanda à Paulin Broquet « Vous comptez donc arrêter le prince ?» Paulin Broquet ne répondit pas directement. « Nous avons en France des façons d'agir en tant que policiers bien différente de la méthode russe. En Russie, vous ordonnez, vous faites empoigner d'abord et plus tard on s'explique. En France, ce n'est pas possible. Il faut agir avec prudence, avec ruse, et ne pas commettre ce que nous appelons la gaffe et qu'on ne nous pardonne pas. Alors, vous supposez que le prince... Je n'ai pas le droit de supposer quoi que ce soit. Je dois voir seulement, étudier, me rendre compte, agir, et je vous prie de m'en faciliter le moyen. » Au moment de prendre congé, il dit encore « Vous comptez, général, remettre leur fortune, dont vous êtes détenteur, à la princesse Johanna Grigoriska et à sa fille Amédéa, quand je les aurai retrouvés, et je voulais vous demander de m'aider dans mes recherches. Bien, général. Je serai tout à votre service, mais accordez-moi quelques jours. » Puis il se retira. Comme il sortait de l'hôtel du général Sobarov, et que de chaque côté il jetait les yeux pour regarder dans la rue, il avisa sur le trottoir voisin une petite boutique de marchande de journaux. Des illustrés, des publications diverses formaient l'étalage, accrochés à un fil de fer sur un espace d'un mètre à peine, cédé par un Auvergnat marchand de charbon. Un petit carreau enlevé permettait à la marchande de percevoir les sous des acheteurs qui se servaient eux-mêmes. La marchande se tenait dans ce réduit qu'une chaise emplissait. Paulin Broquet avait des yeux admirables qui semblaient voir à travers les murs. Il avait remarqué déjà la petite boutique de la marchande de journaux sans y trouver rien d'anormal. Comme il sortait de l'hôtel Sobarov, il porta encore les yeux sur cette boutique plus que modeste et il tressaillit. Il venait, non à travers, mais entre les journaux étalés, d'apercevoir le rayon bleu mauve de deux grands yeux. « Il n'y a pas au monde d'autres yeux, » se dit Paulin Broquet, « d'autres yeux qui aient pareille lueur. » Alors, sans paraître y mettre d'intention, tout naturellement, il traversa la chaussée et vint à la petite boutique de journaux. Il s'arrêta devant l'étalage, et avisant une des publications qui se trouvait dehors, loin de la portée de la main de la marchande, il demanda « Prenez-la, » répondit la marchande. « Je n'ose pas, je suis très maladroit, j'ai peur de démolir tout l'étalage. Veuillez prendre la peine de me la donner. Je ne peux pas sortir sans défaire tout ce qui est devant moi. » répondit la marchande. « Si vous ne pouvez pas prendre votre publication, laissez-la, je regrette. » Alors Paulin Broquet prit un autre journal au hasard. Et se penchant pour donner sa pièce de 5 centimes à travers le petit carré sans verre, il dit « Dans ce cas, je me contenterai de ce journal. Ne vous dérangez pas. » Il avança la main. Il sentit que de l'autre côté, la marchande, tout en prenant sa pièce de cuivre, lui saisissait la main et la serrait. Paulin Broquet alors, en sortirant, se dit « Miss Eden est là pour épier l'autre. » Le lendemain, dans le jardin du général, Pouchkine ratissait, arrosait, nettoyait les allées. Le général vint fumer son cigare et faire sa promenade habituelle. Il jeta un coup d'œil au jardinier, qui le salua comme font les serviteurs quand le maître paraît. Et il poursuivit sa promenade, songeur, rappelant en sa tête les détails de l'entrevue d'hier avec le détective, que coupa le mari de la statuette de verre soufflé. Il rappelait en sa mémoire aussi la surprise que lui causa le prince Grigoriski. Il se demandait maintenant avec anxiété si Paulin Broquet serait assez fort pour lutter contre un homme qui semblait être doué d'un pouvoir magique redoutable. Le général se disait également « Il a promis de retrouver Johanna, mais le pourra-t-il? Et Johanna n'est-elle pas morte? Puisque c'est son ombre, c'est son fantôme qui revient me parler du passé. » Il allait ainsi, sombre, inquiet, redoutant de voir encore tout à coup apparaître le prince, qu'il n'était pas loin de regarder comme un sorcier. Or, tout bon russe est convaincu que contre les sorciers, il est absolument inutile de lutter. Pouchkine, qu'il croisait au cours de sa promenade, le rassurait un peu par sa présence et l'empêchait d'appeler aussi pour lui tenir compagnie. Un maître ne daigne pas regarder un domestique, un moujik, un demi-esclave, comme cette brute qui faisait pousser les fleurs et arrachait la mauvaise herbe des sentiers. Cependant, en ce moment, le général était content de voir son jardinier, de ne pas, grâce à lui, se sentir seul dans le parc. De temps en temps, il jetait un coup d'œil de son côté. Pouchkine continuait consciencieusement sa besogne. Il arrangeait les fleurs du massif qui étaient son orgueil, son chef-d'œuvre. Le général continuait sa promenade. Ayant tourné un massif qui lui masquait son homme, il revenait et comptait, comme jusqu'à présent, le revoir courbé sur ses plantes. Mais son regard chercha en vain. Pouchkine n'était plus là. Le général appela. « Pouchkine !» Pouchkine ne répondit pas, ne se montra pas. Il ne bougea pas davantage au gros juron, à la malédiction qui accompagna un nouvel appel. Et il se présenta encore moins à la menace des coups de pied dans les gencives et des coups de bâton sur la nuque. Furieux, le général se mit à arpenter l'allée du parc, faisant des moulinets avec une bêche qu'il ramassa au hasard. Puis il rejeta la bêche et revint, toujours criant et faisant les plus terribles menaces. Enfin, il se décida à rentrer. Le général n'était pas depuis 5 minutes dans la maison que le bon Pouchkine revenait comme par enchantement devant son massif, qu'il se remettait à soigner de nouveau ses fleurs avec la tranquillité la plus absolue. Il paraissait n'avoir rien entendu, ne pas se douter de la colère du général, et ne concevoir point le moindre pressentiment des terribles châtiments qui l'attendaient. Pouchkine était allé puiser de l'eau, et de son arrosoir il faisait, sur les fleurs récemment piquées en terre, pleuvoir une ondée bienfaisante. Il l'arrosait consciencieusement. Il ressemblait, ce bon gros Pouchkine, énorme dans sa vareuse, son pantalon bouffant qu'entourait un large tablier bleu à poches bourrées d'ustensiles, de ficelles, sous son bonnet qui couvrait ses longs cheveux, avec sa bonne figure rubiconde, percée de 2 petits yeux gris très clairs, encadrée par une large barbe roussâtre, mal taillée. Il ressemblait à une populaire caricature du bon père éternel, jeune encore, ou à ce brave saint, le plus imploré et le plus honni du paradis, saint Médard, dispensateur de la pluie. Voilà que tout à coup, à quelques pas de Pouchkine, le gravier du chemin, devant le kiosque, grinça sous le pas d'un élégant gentleman. Pouchkine n'eut pas l'air d'entendre, de se douter que quelqu'un venait d'entrer dans le jardin. Il continua son travail, mais son arrosoir fini, il se tourna pour aller puiser de l'eau, et dans ce mouvement il se trouva tout à coup en face de ce visiteur qui se dirigeait vers la maison. Pouchkine, gros comme il était, occupait tout le chemin, et avec son arrosoir empiétait même sur les bordures. Aussi barra-t-il la route au gentleman. Et très surpris, il balbutia en russe des mots d'excuse, cependant qu'il cherchait à déplacer son énorme corps pour laisser passage au gentleman. Mais, intimidé, gauche, voulant aller plus vite, il fit tomber sur le pantalon du visiteur les dernières gouttes d'eau de la pomme de son arrosoir. Servile, apeuré, il rejeta l'arrosoir, et se mettant à genoux devant le gentleman, il tira son bonnet pour demander pardon, et avec son tablier, il essuya les gouttes d'eau qui avaient terni le lustre des bottines. Faisant cela, il disait, toujours en russe, 1000 paroles d'excuses, et il demandait pardon humblement. Aux paroles, aux prières qu'en russe lui disait ce bon Pouchkine, désolé, navré, le gentleman, vivement contrarié, ne répondait pas. Énervé enfin de tant d'obséquiosité, le gentleman repoussa fortement le jardinier et l'envoya rouler sur le gazon, lui disant avec énergie mais en bon français « Donne-moi la paix !» Le gentleman passa, et pendant que Pouchkine, non sans peine, relevait la masse engoncée et mal ficelée qui formait son corps, il se dirigeait vers la maison. Familièrement, il appuyait sur le bec de canne de la porte et cavalièrement pénétrait dans la salle des armures. Là se trouvait, comme il semblait s'en douter assurément, le général Sobarov qui, en l'apercevant, s'écria « Vous, encore vous ?» Le visiteur, souriant, s'inclina. « C'est moi, en effet, moi, le prince Grigoriski. » Mais Pouchkine, quand le prince fut entré dans la salle des armures, et eut derrière lui fermé la porte, acheva de se relever. Il ramassa son arrosoir, et au lieu de se diriger vers le fond du jardin où se trouvait la fontaine, il alla dans le kiosque. Le jardinier alors se mit à chercher dans le kiosque. Il souleva quelques meubles, examina le parquet, puis tâta les murs. Il sembla éprouver une déception, et ne pas trouver ce qu'il cherchait, car il murmura en français cette fois, « Par où peut-il bien passer ?» Enfin, semblant abandonner tout espoir de découvrir ce qu'il cherchait, le jardinier, qui n'était autre que Paulin Broquet, alla remplir son arrosoir. Et il vint arroser non plus les plantes du massif, mais le devant du kiosque, les quelques marches, le gravier du sentier qui longeait le pavillon. Il arrosa le tout consciencieusement, fit une petite mare. Impossible de pénétrer dans le kiosque sans se mouiller les pieds. Puis il s'en alla, et regagna la cachette dans laquelle tout à l'heure il se tenait tapi durant la colère du général. De là, il put voir le prince Grigoriski sortir de la salle des armures et descendre dans le parc. Il le vit se diriger, après un détour qu'il fit pour se masquer derrière les arbres, les fleurs du massif aux yeux de ceux qui, des croisées de la maison, pouvaient les pieds, vers le kiosque. Paulin Broquet laissa le prince Grigoriski aller. Il le regarda bien patauger dans la petite mare avant de monter les quelques marches qui conduisaient au kiosque. Il le vit ensuite disparaître. Alors il attendit quelques minutes, puis il sortit de sa cachette. Il vint au kiosque et sous le tapis clair, il put relever l'empreinte des semelles mouillées. Les traces de pas allaient vers un des angles du kiosque. « Ah !» fit Paulin Broquet. « C'est là, dans ce coin. » Il chercha sur le mur. « Voilà, voilà le bouton secret qui doit faire mouvoir la porte. » En effet, en examinant de plus près, le détective finit par découvrir les rainures, d'ailleurs bien dissimulées dans les tentures, qui révélaient la porte secrète. « Bon, » fit-il alors, « maintenant je sais par où l'on passe. Le reste n'est plus qu'un jeu. »